Ils ont payé un peu, presque rien. Qu'est-ce que vous voulez, c'est de merde, ces gens-là. Oh non, pense pas qu'à ça. Jakob, kannst du mal hinten den Apparat ziehen lassen? Hier wohnt. Wegen der Abdeckung. Encore, hein? Et en gros encore. Yeah. Tu vas aller nous chercher une bouteille de bière, il n'y a plus rien à boire ici. Sur un carré, mais vous pouvez, je vivrais 100 000 ans, je n'arriverais pas à épuiser toutes les possibilités qu'on peut faire avec le carré. Est-ce que vous observez la nature alors ? Non. Only that it's very good. I enjoy coming. This is... Und deswegen. Ist es ein bisschen schwierig, nicht? Et ça, c'est ma petite fille. Mais ils sont. Ils seraient plus sataniques, n'est-ce pas, hein? Non, ah non, ça certainement la dernière des choses. Non, non, ah non. Venez. Tout ça, c'est assez curieux. Ja, nein. J'étais pas très ouverte, en fait. Nicht nur zufrieden, wir sind begeistert. La maestat. L'amour et le roman et tout ça, c'est l'essentiel. Deve essere molto forti e molto gravi. Molto gravi, pare, sì. Heureusement. Ich glaube, dass man. Et encore. Encore une fois. Maintenant. Et encore. Bon. Si vous voulez, je ne sais pas. Je ne joue pas d'instrument, je ne suis pas tellement musicien, n'est-ce pas? Sind doch so freundlich, gehen Sie weiter. Es ist hier nichts Besonderes. Es werden nur Aufnahmen gemacht. Sind Sie bitte so freundlich. Thank you. Gäppe. Äpfel. Manœuvre là. Oh, c'est pas mal.